couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région Lorraine et même, j'ai envie de dire, de la grande région. Coucou à nos amis de Strasbourg, de Reims et aux alentours et bien sûr Nancy, Metz. Bon appétit, Pierre au micro, que vous nous écoutiez le samedi à 13h ou le dimanche à midi. Vous êtes probablement en train de manger, votre estomac est contenté, votre palais apprécie ce qu'il a dans la bouche. Ah, c'est bon, ça donne vraiment faim. Eh bien, nous, on va vous double nourrir, vous triple nourrir, ça va être nourrissant, mais on va pas s'intéresser à votre palais, à votre système digestif. D'ailleurs, ce serait très malvenu de notre part de le faire sur Fadjet. C'est quand même des choses assez personnelles. Mais on va quand même s'intéresser à quelque chose de personnel. On va s'intéresser à votre âme, à votre cœur, à votre esprit, à vos émotions, à tout ce qui fait que vous êtes des êtres humains. Je sais que vous l'êtes, chers auditeurs, et en plus des mélomanes, des fans de musique et de belle musique. Et ce sont que je vais vous proposer pendant cette demi-heure avec une artiste pop, folk, rock, autrice, compositrice, interprète. Et je sais, je viens de le genrer au féminin. Alors que on pourrait me dire, bah non, on dit autant compositeur-interprète parce que, et ben moi je m'en fous parce que j'aime les femmes sont belles et elle est elle-même très très belle avec une très belle voix. On est avec Lorico. Salut. Salut Pierre, ça va? Ça va et toi? Bah très bien, merci. Salut à tous. Salut à tous. 1 minute 38 d'introduction. Je viens de péter mon record. Bravo. Très très bien. Au moins ça a pas duré 5 minutes. Tu es avec nous pour nous présenter ton univers musical. Un univers qu'on peut retrouver déjà sur Facebook en te suivant, Lorico. C'est ça, sur Facebook, bah sur toutes les... Tous les réseaux. Partout, et puis les plateformes aussi de streaming. Voilà. Celles que vous voulez. Instagram, TikTok. Voilà, voilà. Et les musiques, évidemment, sur Deezer, Spotify, Apple Music. Amazon, la totale. Amazon, la totale. J'ai fait la totale. Totale, là, on est bien. On est bien. Alors, tu as déjà un album qui est sur les plateformes, qui s'intitule Martine, qui est sorti en juillet 2021. Exactement. Donc, on écoutera le titre Fire in the Wood dans quelques instants. L'accent anglais à couper au couteau. Wood. Du moi, feu, je fais pas non, mieux, moi. Du feu dans le bois. Les traductions en version québécoise, tu sais. Et puis, surtout, tes deux derniers singles, Napoul, qui est sorti en novembre 2022 et qui parle de tes souvenirs d'enfance en Italie. Exactement. Donc, Napoul qui veut dire Naples. En napolitain. En napolitain, oui. Voilà. Bon, on est dans le local, mais aussi un peu à l'international, c'est européen. Ça. Et puis, le titre Petite Note, qui est sorti ce mois-ci. Exactement. Donc, c'est un beau programme. Alors, artiste pop, folk, rock. Alors, je vais te poser la question chiante que tous les journalistes y posent à chaque fois. Mais on va faire un petit jeu quand même pour rendre ça plus attrayant. D'accord. Je vais te demander, à mon top, de me résumer en quelques phrases le cœur de ce que tu fais. Le cœur de ce que je fais. Le cœur de ce que je fais. Le cœur de ce que je ouais, fais. Alors à mon le top. Ah, c'est pas parti, d'accord. C'est pas parti encore. Allez, je me top, prépare, attends, je top, me prépare. Top. Ça y est, let's go. C'est bon? Ouais, vas-y. Eh ben, écoute, oui, comme tu l'as dit, je fais ça avec le cœur. Déjà, donc le plus important, hein, parce que c'est ma plus grande des passions que je fais maintenant depuis plusieurs années. Et voilà, ce que je fais, moi, c'est je raconte des histoires. Je raconte les impressions que je peux avoir dans la vie en voyageant, en rencontrant des gens, en parlant de mon passé. Voilà, beaucoup de nostalgie aussi, souvent. Et voilà, donc j'essaye de mettre des couleurs, des notes dessus et quelques mots, hein, le plus poétique possible. Et puis voilà, je mélange tout et ça tu fait... Tout. Voilà, donc, je mélange. Tu es chanteuse, multi-instrumentiste, tu fais tout, absolument tout. Oui, je fais tout, oui. Donc guitare. Voilà. Après, je travaille avec des ordinateurs aussi, donc après ça facilite hein, pour tout ce qui est percussion, même si j'en fais un petit peu aussi. J'en fais un petit peu aussi. Voilà. Sur le premier morceau qu'on va écouter, je crois, Fire in the Wood, il y a une espèce. Alors, je sais pas si c'est une mandoline ou si c'est juste la guitare à légumes, mais il y a un truc sympa. Il y a de la mandoline, ouais. Il y a de la mandoline. Oui, c'est ça. Et puis quelques petits instruments de percussion. Instruments de percussion. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Des petites cloches, des petites choses comme ça. Là, là, là, là, là. Et j'ai tout fait à la main. Et en plus, c'était très artisanal celui-ci parce que je l'ai fait au Canada, en fait. J'étais partie au Canada. D'accord. fort. Pour faire un peu de musique là-bas. Et du coup, bah, j'ai fait un road trip. Et toutes les chansons qui sont dans l'album Martine, en fait, c'est les chansons que j'ai écrites pendant le road trip. Donc, tout ce qui m'a inspiré pendant le voyage. Et que, ensuite, j'ai travaillé en Ontario, parce que je me suis posé l'hiver là-bas. Et voilà, et j'ai donc mis tout ça en boîte en Ontario pendant l'hiver. Ontario, Canada. C'est ça. Et dans ce grand froid-là, tu t'es réchauffé le cœur en faisant de la musique. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Voilà, chers auditeurs, on est dans Couleur Locale sur Fadjet, mais on est avec une Lorraine italienne qui a enregistré son album au Canada. C'est ça. Les gars, je crois que là... On est à l'international. On est à l'international. Couleur Locale sur Fadjet. Si vous ratez l'émission, je le dis dès le début, vous avez raté 5 minutes, vous êtes triste, parce que ces 5 premières minutes étaient déjà quand même pas mal, eh bien, il y aura un podcast. Donc, ne pleurez pas. Et puis... aimez la page Facebook, Fadjet-6. Couleur Locale, on va vous proposer d'écouter un premier morceau, justement, qui est issu de cet album, qui s'intitule Martine. Le titre, c'est Fire in the Wood. Yeah. Feu dans le bois. Feu dans le bois, là, ouais, voilà, c'est ça. De la forêt. Je sais pas faire les accents, c'est pas grave. Alors, je vais te poser une question, parce qu'en plus, c'est un titre en anglais. Et en général, quand je pose cette question-là, il y a deux écoles. La question, c'est, mais de quoi parle le morceau? Alors, soit on me répond... Bah, les auditeurs, ils ont qu'à écouter, hein. C'est quoi cette question à la con? Voilà, alors, je vais rester là-dessus. Très bonne explication. Et je rentre chez moi, je pleure, c'est ce que je vais faire, avec ta réponse. Et ou sinon... alors, on nous tease un peu, parce que c'est bien de teaser, surtout quand c'est en anglais, quoi. C'est ça. Et ben, cette chanson parle tout simplement de musique, donc d'un terme général qui est l'inspiration musicale. Et okay. Après, j'ai brodé avec plusieurs... phrases qui me passaient en tête, des choses que j'avais envie de dire sur le moment-là, en fait. Mm-hmm. Tout simplement, mais voilà, le thème global de cette chanson, c'est l'inspiration musicale. Eh bien, on y va. Fire in the Wood de Lorico sur Fadjet dans Couleur Locale. Different song for me, a good song for me. Did you find Let's fly. Fire in the Wood de Lorico, mon invité sur Fadjet dans Couleur Locale. J'espère que vous passez un bon moment. Chers auditeurs, il est 13h10 que vous nous écoutiez samedi ou midi 10 que vous nous écoutiez dimanche. Encore un bon appétit. On est sur les réseaux Fadjet-du-6 Couleur Locale et puis évidemment Lorico sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Oui, TikTok depuis TikTok peu. TikTok aussi. YouTube. L-O-R-I-E-C-O. L-A-U. Alors ça, c'est la fatigue. Oui, voilà. L-A-U-R-I-E-C-O. L-O, d'accord. Okay, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais ce n'était pas ça. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Alors, un titre issu de ton album Martine, qui est sorti en juillet 2021. Petit encart sur Martine, j'imagine, c'est une personne que tu as connue ou ça n'a rien à voir? Enfin, oui et non, mais ce n'est pas une personne. C'est ma voiture, en fait, avec laquelle j'ai fait mon road trip au Canada. Parce que vous savez que les voyageurs nomment souvent leur véhicule. Pendant les road trips ou en général? Pendant les road trips, peut-être en général, mais en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés qui faisaient des road trips, ils donnent des prénoms, en fait, à leur véhicule. Et moi, je l'ai acheté, elle s'appelait déjà Martine. Donc, j'ai gardé ce nom. Trop bien. Et vu que j'ai composé toutes ces chansons dans Martine... Bah, je l'ai appelé Martine, c'est normal. C'est dégueulasse. Comment ça dégueulasse? Bah, composer ses chansons dans Martine, la pauvre. Bah, oui, il n'est pas encore minuit, chers auditeurs. Alors, on va arrêter là. Bon appétit. On va arrêter là. La blague. Alors, moi, ma voiture, on s'en tape. Hein, mais ma voiture s'appelle la Caillou Mobile. D'accord. Je m'appelle Pierre. D'accord. Caillou. Oui, non, j'ai compris. C'est bien. Hein. Très c'est bien. Cool. Lorico, mon invité, autrice, compositrice, interprète, pop, folk, rock. On va écouter deux morceaux encore dans cette émission qui sont les derniers singles qui sont sortis, notamment le prochain, Napoul. Dit comme ça, ça fait vraiment. Je crois que j'ai pas l'accent. Vas-y, dis-le, c'est mieux. Napoul. Il faut une nonchalance comme pour parler napolitain un peu. À l'italienne, quoi. Mais encore plus prononcé, même. Vas-y, tu peux le redire? Napoul. Ok, on va arrêter de dire Napoul parce que les auditeurs, ils vont fuir. Ou pas, d'ailleurs. Alors, c'est un projet que tu mènes la barque toute seule. Mm-hmm. C'est pas difficile, des fois. C'est-à-dire de faire tout, tout de seul. De faire tout, tout seul. Si, un petit peu, parfois. Mmh. Mais bon, la passion l'emporte hein, sur le... La passion la montagne de travail que ça représente. Parce que c'est vrai, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Essayer de faire aussi un peu de communication, les images, tout ça. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais après, voilà, la passion de la musique, ça l'emporte toujours, de toute façon. Ça, c'est beau, ça. Ouais, ça j'aime bien. Moi, je vais le garder, ça. Alors, on garde-le pour les prochaines grandes interviews. Oui. Alors on va jouer au jeu de l'œuf ou la poule maintenant. Et c'est une question que je pose souvent aux artistes solo, puisque comme tu le sais, notamment dans ta musique, mais dans beaucoup de musique, on a la musique, les textes. Moi, j'aime bien savoir ce qui vient en premier. Ce qui vient en premier. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Mais moi, pour moi, la plupart du temps, c'est un riff, une musique que je répète. Et si elle me procure là quelque chose, je vais naturellement développer quelque chose dessus. Et les premiers mots, généralement, se forment tout seul. Et les premiers mots se forment tout seul. Ah, on est quand même plus du côté musique de la force. Oui. Du coup. Et après, t'écris. Voilà, c'est ça. Ça. Après, parfois, ça peut arriver aussi que c'est une phrase que j'ai retenue et puis que je brode un peu et puis j'ai envie de faire autour de ça. Mais ça arrive rarement, par contre, que ce soit un thème que je choisis au départ ou après, je vais travailler dessus le texte en me disant, il faut absolument que je parle de ça et que je dise ça. Non, moi, en premier, c'est la sonorité. Qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui m'inspire en général ou en musique Les deux, tiens. Donc, on va commencer en musique. En musique. Bon, un grand artiste, par exemple. Après, j'ai des styles super variés, en fait. Après, j'ai eu des moments où j'ai écouté en boucle pas mal d'artistes. En français, j'ai beaucoup écouté Damien XVI, Noir Désir, tous ces groupes-là. Après, en anglais, j'aime beaucoup le folk, donc pas mal d'artistes américains comme Deb Talan, des choses comme ça, guitare-voix. Et après, voilà, ça dépend vraiment de la chanson. En plus, c'est vrai que c'est plus souvent une chanson qu'un artiste. Au final, même si j'écoute un artiste en boucle, ça va être régulièrement les mêmes chansons. Je comprends. Et je fonctionne de la même façon. Voilà, et ensuite, je vais découvrir un artiste. J'ai une musique qui va me marquer et généralement je vais l'écouter en boucle sur une période de plusieurs mois, un an et puis après je passe à autre chose. Tout bien, quoi. Et dans la vie de tous les jours, quels sont des grands thèmes? Tu disais que tu écris pas forcément, tu te forces pas à écrire sur un thème, mais est-ce que il y a des choses, je sais pas, l'amour. C'est très cliché. Hein, mais... Oui, mais après j'en ai fait, hein, des chansons sur l'amour. Il y en a même d'autres à venir. Mm. Mais après non, j'ai pas de thème principe, enfin de thème absolument où j'ai envie de développer des choses comme ça. Je me laisse vraiment guider par la musique en fait. Tu te laisses guider par la musique. Comme quand on compose en anglais. En anglais, je sais que moi, vu que je ne maîtrise pas non plus la langue parfaitement, c'est plus les sons. Et c'est vrai que les sons, en fait, ça parle parfois plus que même les sens que peuvent avoir les mots. Et après, en français, par contre, j'essaye d'étoffer et de raconter des choses un peu plus abouties, on va dire. Alors, on jouera un petit jeu. Encore ? Mais juste après la prochaine musique. Encore, oui. La prochaine musique qu'on va écouter, ça sera une espèce de... d'immersion dans laquelle je vais te poser. Ça permettra de compléter tout ce que tu as dit. Ah, ceux qui écoutent l'émission depuis un moment savent très bien de quoi je parle. Vous êtes sur Fadjet dans Couleur Locale au 94.2 à Nancy et sur Fadjet.net, déjà un peu plus de 16 minutes d'émission ensemble avec Lorico, autrice pop, folk, rock, un album sur toutes les plateformes Martine et puis déjà deux singles qui sont sortis entre novembre et janvier. On va écouter, je crois, peut-être... un single très intimiste pour toi, puisqu'il parle de ton passé, de ton enfance. C'est ça. Avec notamment une photo de toi avec tes grands-parents. C'est ça, exactement. Alors, je voulais te donner les noms, mais le nom de ton grand-père... Giuseppe et Rosa. Voilà. Giuseppe, voilà, je ne savais pas. C'est Joseph en, c'est pas grave, en y a italien, pas je crois. Joseph, oui. Joseph. C'est ça. Giuseppe et c'est Rosa, prise en 84 à Casapulla. Oui, c'est une petite ville à côté de Caserte, qui se trouve à une demi-heure de Naples. De Naples. Et donc, voilà, bah dans cette chanson, je voulais en rendre un hommage, en fait, et puis à ma famille aussi, que je vois très rarement. Et voilà, raconter un peu tous mes souvenirs et les impressions que j'avais de l'enfance, voilà, quand j'étais là-bas, voilà. C'est la nostalgie, là je paraphrase ce que tu as écrit sur les réseaux, c'est la nostalgie d'un pays, le souvenir de la douceur et de la joie de vivre. Et c'est l'occasion pour moi de dire je ne vous oublie pas. Ouais, c'est ça. Souvenir de l'enfance. C'est beau. Hein, c'est bien ce que je dis. J'ai failli pleurer. Ouais, là. Ouais, moi aussi. Alors on va écouter justement ce titre, ce single qui est clippé sur YouTube. Oui. Donc, je vous invite à aller le voir parce que c'est un beau travail que tu as fait en plus. Eh ben, en fait, c'est un clip que j'ai fait. J'ai repris des images de famille dont les premières doivent dater des années 70. Mon père avait déjà donc, une caméra, une grosse caméra à l'époque. Et donc, il a filmé des scènes de famille et on a jusqu'à ce que moi j'apparaisse dans les années 90. Et voilà, donc j'ai compacté ça, je les ai numérisés et je les ai compactés pour illustrer ce que je raconte dans cette chanson. Une chanson avec une partie en italien. Le refrain en napolitain. En napolitain, pardon, c'est ça, excuse-moi. Je t'en prie. Et ça, franchement, je trouve ça vachement cool et je vais te laisser l'annoncer avec ton plus bel accent. Alors, c'est Napoule. Il n'était pas terrible. Hein. Non, mais ça va. On écoute ça tout de suite. De Lorico sur Fadjet dans Couleur Locale. Restez avec nous. De mes frères, je revois sur les murs les peintures fissurées, les croix qui suturent les blessures du passé. Je revois les anciens sous les portraits jaunis pour être toujours fidèle à tout ce qu'on oublie. Je ressens les odeurs du paru qui renaissent, un souffle chaud qui me met à l'ivresse. Tant au loin les vendeurs de grands chemins, les femmes et les mômes qui gueulent avec les mains. Je sens encore la cuisine de grand-père parfumer l'aurore et me sortir de mes rêves. Napure mire color, Napo fa poco paur, ma nessuno se importa, Napure mire autor. terre, je vivrai un jour au pays de mon père. Et si la terre tremble, on craint pas la misère. Né sous le volcan, tout finit par se taire. Ça commence à venir, hein. Oh oui. Un petit peu. Ouais, elle dit ça pour être gentille. De Lorico sur Fadjet dans Couleur Locale, c'est mon invité pour le week-end qui est le nôtre, chers auditeurs. N'hésitez pas à aimer sa page Facebook et tous ah les oui, réseaux. N'hésitez pas. Voilà, Lorico, Laurico, Fadjet-6, Couleur Locale. Si vous avez raté l'émission, elle sera disponible entre dimanche et mardi, en fonction de ma réactivité, sur Onshore et sur le site de Fadjet, fadjet.net, 94.9 à Nancy, tous les samedis 13h et les dimanches midi, c'est Couleur Locale, une demi-heure avec les artistes de la région. Mais nous n'avons pas fini avec toi, puisqu'on écoutera le dernier single sorti ce mois-ci, qui s'intitule Petite Note. C'est ça. Voilà, c'est tout doux. Tout simple. J'aime bien des titres comme ça. On se prend pas la tête, tu vois. Ah oui, non, bah là, non. Voilà, pas du tout. C'est la small note. Faut arrêter. Hein. Arrêtons. On va jouer à un jeu. Je vais te donner... T'as eu les transitions. Sans transition. On va jouer à un petit jeu. Mm-hmm. Je vais t'immerser. Je vais te raconter une histoire. Est-ce que tu es prête ? Oui. Complètement prête. Et il y a la question. Et il y a l'histoire après. La question, c'est... Qu'est-ce qui t'inspirerait le plus ? Une chanson, un thème, une mélodie, un sujet, des mots, entre ces deux cas de figure. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Tu rentres d'une tournée. Tu es éreinté. Tu te situes dans un train. Mmh. Le soleil se couche. Tu regardes par la fenêtre. Ton esprit est emporté à la fois par ce soleil couchant, qui signifie la fin, mais aussi le renouveau. La nuit avant le jour. Il y a le cliquetis sur les rails. Un peu hypnotique. On est dans le voyage. On est dans le mouvement. Et tout d'un coup, alors que peut-être tu t'assoupines dans ce train, tu entends une note, un mot. Tu repenses à Naples, un souvenir d'enfance en particulier, je ne sais pas. Et tu écris quelque chose. Ouh ! C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Mmh. Tu te réveilles d'une nuit, somme toute, classique. Et ce réveil te paraît étrange, parce que il fait suite à un rêve. Tu as encore le scénario de ce rêve, peut-être quelques images, peut-être même quelques sons qui te sont apparus. Mais comme tu le sais, souvent les rêves disparaissent dans les premières minutes de l'éveil. Mais tu n'as pas envie que ce rêve disparaisse, parce que ce rêve t'apporte l'inspiration, peut-être pour une musique, peut-être pour des mots. Alors tu t'empresses de noter ce rêve, de noter peut-être des notes, de les siffloter, je ne sais pas, enregistrer. Alors, plutôt train, soleil couchant, plutôt réveil nocturne et rêve inspirant, les deux, aucun des deux. J'aime bien le train. Ouais. Parce que j'aime beaucoup les trains. Au moins, là, donc, c'est... Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne raison, déjà. Et oui, non, j'ai bien aimé ton histoire du train. Le voyage, aller de l'avant, avancer, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. Et donc je dirais que ça m'inspirerait plus que le deuxième. Ça t'inspirerait plus que le deuxième. En plus, ça m'est déjà arrivé de rêver de musique où je faisais de la musique et c'est à chaque fois c'est au top, mais je ne m'en souviens jamais. Enfin, quand je me réveille, c'est trop tard. Quoi. Oui. Et puis, si ça se trouve, en plus, c'est pas si bien que ça. C'est vrai, c'est possible. Ouais. Après, peut-être que tu peux rêver que t'es dans un train. Ah ouais. Ouais. Inception. Et que je dors. Et que tu dors. Et que je fais la rêve d'une musique. Waouh. Ouais. C'est là, fou, c'est chaud, ça. Là. Alors, on parlait d'inspiration. Mm-hmm. Les musiciens sont inspirés, mais les musiciens sont partageurs aussi. Et quelle est la meilleure forme de partage ? C'est la scène, en tout cas mm-hmm. l'une des meilleures formes. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? Est-ce qu'on peut te voir ? Est-ce que c'est prévu ? Alors, prévu, non. Parce que comme je disais, là, je suis pas au démarrage, mais c'est-à-dire que là, je travaille sur de la composition, sur du titre par titre, pour voilà, prendre un peu la température de ce que j'ai envie de faire, vers où j'ai envie d'aller. Même si je sais que maintenant, je pense que je vais faire plus de français. Plus de textes français. Plus d'anglais. Oui, voilà, un peu plus pop, un peu plus coloré aussi. Et donc, je suis tout simplement en train de commencer à essayer de voir avec des musiciens, de rencontrer des gens qui aimeraient partager ce projet avec moi pour éventuellement, au beau jour, cet été, commencer à faire quelques scènes. Oui. Bien sûr. Nous vous tiendrons au courant et on espère, d'ailleurs, ce même pas on espère, c'est qu'on sait que ça va aboutir pour toi. Lorico, merci d'avoir merci participé à cette, de rien, cette édition de couleur locale. On rappelle, c'est la fin. Autrice, compositrice, interprète, pop, folk, rock, l'album Martine sur toutes les plateformes. Le single Napoule également sur les plateformes avec un clip sur YouTube. Et puis on va se laisser avec des petites notes peut-être. Avec une petite note. Une petite note d'ailleurs, il n'y en aura qu'une. Le morceau va durer une seconde. Mais alors intense. Hein. Mais intense seconde, ouais, la meilleure seconde de votre vie. Petite note, de quoi ça parle ? En fait, c'est pareil, c'est sur l'inspiration musicale, ou plutôt mon rapport à la musique, qui est donc passionnel, on va dire forcément. Et du coup, passionnel veut dire aussi qui apporte un peu de l'eau de souffrance, entre guillemets, de par la frustration. Mais bon, ça, je pense que tous les artistes le ressentent. Voilà, où on n'a pas l'impression de faire vraiment ce qu'on veut. Ou parfois même, on aimerait faire autre chose, mais c'est la musique aussi qui nous tient. Et puis, c'est un peu malgré nous. Je pense que ça aussi, ça doit arriver à plein beaucoup d'artistes. Et voilà, donc, c'est ce que je raconte dans cette chanson. Petite note de Lorico, on se quitte là-dessus, chers auditeurs, pour cette édition de Couleur Locale. À la semaine prochaine, samedi 13h et dimanche midi, pour un nouveau Couleur Locale sur Fudget à Nancy, le podcast entre dimanche et lundi. Petite note de Lorico, à bientôt. Merci. veut dire.